quand il y a eu la dégradation de certains puits, la municipalité s'est chargée d'approvisionner en eau potable les résidences touchées. Mais ça, c'est quelque chose qui ne peut pas durer indéfiniment. Alors, il fallait régler ça.